On te demande une parole sincère, mais d'un sincère prémédité. Dans ce monde marchand de bas étage, ils ont tous peur de l'authenticité. Ils ont tous peur de l'authenticité. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent devant mon regard ébloui. Maintenant que tu nous as retrouvés au royaume d'authenticité, que nous n'avons jamais malgré ta folie qui accuse, accuse en plus, que nous n'avons jamais quitté. J'aime les petits culs, j'aime les petits qui se balancent. J'aime les petits culs, j'aime les petits qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent devant mon regard ébloui. Je sais trouver le chemin du cœur. Je sais trouver le chemin du cœur. Mais ça fout les corps dans un tel chaos qu'il en faudrait 200 moines pour canaliser sa pluie. Oh, j'aime les petits culs, j'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs, j'aime les petits qui se balancent devant mon regard ébloui. Le changement est présent tout le temps, mais les gens préfèrent vivre à côté. À côté d'eux-mêmes pour le corps, leur corps gavé qui te jette pavé. Leur tête ils en veulent plus. Leur tête ils en veulent plus. J'aime les petits culs, j'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent. Quand bon mon regard est bloqué, j'ai su éviter toutes ces impasses. Je viens d'un temps où le passé brillait comme de l'or, où les sensations ruisselaient, faisant d'un jour tout un brasier. Parfois je vis le paradis sur terre, parfois je vis le paradis sur terre. Oh, j'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent devant mon regard ébloui. Aujourd'hui, l'énergie collective semble au plus bas, semble au plus bas. Certains la flambent pour des projets bien peu collectifs. D'autres fouettent des barrières à nos petits. Tourner vers hier, pendant que nous flamboyons de futur, suivez-nous avec notre style. Notre style nous reste ouvert. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent. J'aime les petits culs qui se balancent devant mon regard ébloui. J'aime les petits culs qui se balance. J'aime les petits culs qui se balance. J'aime les petits culs qui se balance. Qui se balance devant mon regard ébloui. J'aime les petits culs qui se balance devant mon regard ébloui. J'aime les petits culs qui se balance. J'aime les petits culs qui se balancent devant mon regard ébloui. J'aime les petits culs. J'aime les petits culs. Mon tapio. J'aime les petits culs. Qui se balance mon tapio. J'aime les petits culs. chère.